calme, le chant discret va plaire. Les rêves dans les yeux, subjugués par nos airs. Les gens pleurent de joie, d'effroi et d'émoi. Mais l'enfer du son des guitares les noie. Assez de CD, violets profonds, escarabés. Ils n'ont rien retenu, sauf ce qui fait vibrer. À savoir une mélodie touchante, un chant mélodique, colique, absente. Les guitaristes jouent trop fort. Parfois, ils inondent le fort de leur son. Si puissant, qui vibre dans le sang. Métal, hic, et ça tourne. Réverbé, arpège, wah-wah, fourbe. Mais un solo arrive, plus beau que les autres. Et on oublie le bruit, on en fait nos apôtres. Les guitaristes jouent trop fort. Parfois, ils inondent le port. Leur son si puissant.